le reste est le fruit du hasard. La grande loterie quintée plus génétique. Pourtant si tu es là, ça n'est pas du hasard. C'est que quelque part j'aspire à être quelqu'un à part. Mes pas glissent vers la capitale. Sur la butte de Montmartre, j'espère t'entrevoir. Je n'ai vu ce soir-là dans les rues de Paname deux ou trois canards pavanés sur la Seine. J'ai continué la voie qui monte à Pigalle. Et dans mon désespoir, j'ai plongé dans un bar. Le monde, tout le reste est le fruit du hasard. La grande loterie quintée plus génétique. Pourtant si tu es là, ça n'est pas du hasard. C'est que quelque part j'aspire à être quelqu'un à part pour toi. Dans les bras de l'aurore, je me trouvais allongé sur la terrasse d'un café. J'ai eu beau boire, mais ça n'a pas changé l'histoire. Je veux toujours être quelqu'un à part pour toi. Je suis reparti en jouant de la guitare. Comme un con, t'avais dit non, mais je veux toujours te voir. Triste destinée, je continue à persévérer. Je me pointe dans ce bar où tu allais danser. J'ai frappé, je suis rentré, j'ai repris la bouteille que tu as posée quand tu m'as regardé. Les larmes ont coulé et tu m'as embrassé. Comme un con, je me suis réveillé. Tout le monde, tout le reste est le fruit du hasard. La grande loterie quintée plus génétique. Pourtant si tu es là, ça n'est pas du hasard. C'est que quelque part j'aspire à être quelqu'un à part pour toi. La grande loterie quintée plus génétique. Pourtant si tu es là, ça n'est pas du hasard. C'est que quelque part j'aspire à être quelqu'un à part pour toi.